Une danse est faite toute belle. Le printemps n'est plus ce qu'il était. On leur avait pourtant dit maintes fois. Alors on ferme les yeux et on aboie. L'hiver est fait à ne plus boire. Enfer. Le ciel nous tombera sur la tête. Un tremblement se fait ressentir. Et là-bas, il était presque 10 fois pire. Un petit soupçon en avant-goût. Et qu'on est bien tranquille chez nous. La terre tourne à l'envers et gronde. Des zombies l'on pousse tous les jours. On leur avait pourtant dit maintes fois. Alors ils les arrosent et ils aboient. L'hiver est fait. Naturel ou inventé, l'enfer du décor est déplanté. Toujours.